Ainsi se termine cette deuxième nuit des féminismes, une nuit consacrée au mouvement de libération des femmes dont on a célébré il y a peu le 50e anniversaire. Une nuit au cours de laquelle on a entendu certaines, pas toutes, mais certaines des grandes voix de femmes qui ont fait partie de ce mouvement. On a ainsi pu entendre Nadia Ringard, Marie-Jo Bonnet, Liliane Candel et Catherine Dedon dans un documentaire proposé par Anne-Sophie Vergne pour Surpris par la nuit en 2007. Puis on a écouté Delphine Seyrig et cinq autres militantes dans une savoureuse archive de 1972. Un épisode de Une vie, une œuvre consacré à Monique Wittig, écrivain lesbienne révolutionnaire, signé Clémence Alzard et diffusé la première fois en 2018. Et dans la seconde partie de la nuit, après avoir reçu Marie Herman, éditrice et co-auteure de la nouvelle version de Notre corps, nous-mêmes, on a entendu Antoinette Fouque dialoguer avec Benoît Degroux dans une émission de 1976. Cathy Bernheim au micro d'Emmanuel Laurentin, c'était dans La fabrique de l'histoire en 2009. Et enfin, à l'instant, c'est Christine Delphi qui racontait son parcours militant et intellectuel au micro de Charlotte Bien-Aimée dans les trois premiers volets d'une série d'entretiens à voix nue en 2019. Bibia Pavard, nous avions ouvert, commencé cette nuit en votre compagnie. Vous nous avez tout à l'heure éclairé sur la singularité de ce moment des années 1970 dans la longue histoire des combats féministes, une histoire que vous retracez avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel dans une belle histoire des féminismes de 1789 à nos jours, parue il y a quelques mois aux éditions de La Découverte et qui s'intitule joyeusement « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». On a parlé tout à l'heure de l'humour à l'œuvre dans bien des actions du MLF à travers les slogans, les modes d'intervention, on l'a entendu aussi au cours des témoignages cette nuit. On n'a pas parlé d'une autre dimension, à savoir la grande créativité artistique des femmes qui ont participé au mouvement, que ce soit dans les domaines de la vidéo, de la poésie, de la littérature en général, mais aussi de la chanson. Bibia Pavard, la chanson, ça a été l'un des champs dans lequel les femmes du MLF ont été particulièrement inventives. Oui, tout à fait. Alors la chanson, évidemment, c'est un instrument politique qui est présent dans toutes les mobilisations, parce que ça permet vraiment de rassembler autour d'un champ commun, autour d'une performance collective. Et c'est vrai qu'on dispose d'un corpus de chansons, alors toujours adapté à partir d'un air connu ou d'un air d'une chanson politique ou d'une chanson commerciale de l'époque, avec des paroles qui sont changées. Alors il y a même parfois aussi des inventions, en fait, des créations de chansons. Et c'est très important parce que on voit la force de la créativité littéraire. La chercheuse Audrey Lasserre insiste sur le fait que le MLF, c'est le dernier mouvement d'avant-garde littéraire du XXe siècle. Et effectivement, il y a une très forte recherche sur les mots, sur le langage, qui vise aussi à transformer la société, parce que pour transformer la société, il faut aussi transformer la manière de la dire. Et donc, il y a une recherche à ce niveau-là. Il y a aussi beaucoup d'humour, on l'a dit, beaucoup d'émotions aussi, de pathos dans ces chansons. Et ça permet de faire mouvement, de faire corps autour de performances dans les manifestations, dans les groupes de parole. On voit que la musique sert aussi de fil conducteur à la construction de cette identité politique du mouvement de libération des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que les supports tels que les chansons circulent au même titre que les revendications ou que les symboles imagés, donc, ou les affiches par exemple, donc des chansons qui peuvent être traduites dans différentes langues et des chansons aussi qui peuvent circuler à travers le temps, puisque on retrouve aujourd'hui des chansons qui ont été composées dans les années 1970. Donc on a vraiment une forme un support de circulation assez formidable qui permet une identification et un élan collectif d'hier à aujourd'hui. Pour se quitter, on va pas se priver du plaisir de faire entendre à nos auditeurs l'une de ces chansons. C'est une chanson écrite par Christiane Rochefort en 1971, je crois. Elle s'intitule « La complainte ». On va l'entendre interprétée par Marie-Jo Bonnet, qu'on a entendue au début de cette nuit. On l'a retrouvée sur un 45 tours conservé par la discothèque de Radio France, un vinyle sur lequel on trouvait quatre titres, dont le fameux hymne du MLF. Ce sont des chansons assez difficiles à trouver aujourd'hui. Elles ont été finalement assez peu éditées. On peut en écouter plusieurs sur la page d'un site qui s'appelle Mathilda Éducation. On mettra le lien sur la page de l'émission. Un grand merci à vous, Bibia Pavard, d'avoir été avec nous par téléphone. Hein. Désolée pour la qualité un peu moindre de sonore de cet entretien. Nous ne pouvions pas, au moment où nous enregistrions, être dans la même pièce. Toutes les émissions qu'on a pu entendre cette nuit, de même que les émissions entendues la semaine dernière pour la première nuit des féminismes, sont à retrouver en écoute ou en téléchargement sur le site internet de France Culture ou sur l'application Radio France, où vous pouvez les écouter de jour comme de nuit. C'était donc la deuxième nuit des féminismes par Mathilde Wagman, attachée d'émission Hassan Mbechour, réalisation Virginie Mourtet, prise de son Laurie Vachon et Nasser Moussaoui. Approchez, gens de la ville, écoutez ce conte fait. Il était une fois une fille pleine de bonne volonté. Elle arriva dans la vie sans savoir ce qui l'attendait. Une femme s'est faite pour souffrir. Va me chercher des pommes de terre, sors ton frère, amène du lait. Dépêche-toi, disait sa mère, ça m'emmerde, elle répondait. Ne sois donc pas si grossière, pour une fille c'est très laid. Une femme s'est faite pour souffrir. À l'école, sa maîtresse lui disait, ne t'en fais pas. Si le carré de la vitesse, ça te paraît du chinois. Ce qu'il faut surtout que tu connaisses, c'est le temps de cuisson des petits pois. Une femme s'est faite pour souffrir. Le premier homme qu'elle rencontre lui demande sa vertu. Elle lui donne, tu n'as pas honte, lui dit-il quand il l'a eu. Et comme elle était enceinte, à la porte il l'a fichu. Une femme s'est faite pour souffrir. Docteur, j'ai la rubéole et j'ai pris du Stalinon. J'ai attrapé la vérole et je fais une dépression. Mademoiselle, c'est votre rôle de repeupler la nation. Une femme s'est faite pour souffrir. L'enfance fut une fillette et tristement elle lui dit « Ah ma pauvre mignonnette, pourquoi t'ai-je donné la vie ?» Elle lui a cassé la tête contre les barreaux du lit. Une femme s'est faite pour souffrir. Puisse en faire sa prière, au plafond elle s'est pendue. Ses copines la portèrent dans sa tombe toute nue. Et dessus elles marquèrent, v'la vraie soldat inconnu. Une femme s'est faite pour souffrir. La morale de ces stances, c'est que c'est pas la solution. Elle a manqué de patience, elle a manqué d'information. Elle aurait mieux fait d'attendre le mouvement de libération. Personne n'est fait pour souffrir.